Non, ça, Perlotte, il n'y a que les femmes du monde pour savoir aimer ainsi, se disait Crevel. Comme elle descendait l'escalier en l'éclairant de ses regards, je l'entraînai. Jamais Josépha. Josépha, c'est de la gnognotte, cria l'ancien commis voyageur. Qu'ai-je dit là, gnognotte? Mon Dieu, je suis capable de lâcher cela quelques jours aux Tuileries. Non, si Valérie ne fait pas mon éducation, je ne puis rien être. Moi qui tiens tant à paraître grand seigneur. Ah, quelle femme! Elle me remue autant qu'une colique quand elle me regarde froidement. Quelle grâce! Quel esprit! Jamais Josépha ne m'a donné de pareilles émotions. Et quelles perfections inconnues! Ah bien, voilà mon homme! Il apercevait, dans les ténèbres de la rue de Babylone, le grand Hulot, un peu voûté, se glissant le long des planches d'une maison en construction, et il alla droit à lui. « Bonjour, baron, car il est plus de minuit, mon cher. Que diable faites-vous là? Vous vous promenez par une jolie petite pluie fine. À nos âges, c'est mauvais. Voulez-vous que je vous donne un bon conseil? Revenons chacun chez nous, car entre nous, vous ne verrez pas de lumière à la croisée. » En entendant cette dernière phrase, le baron sentit qu'il avait 63 ans et que son manteau était mouillé.